Leçon 5, exercice 30. Mettre en valeur l'objet de l'action. Exemple. Garantir une juste rémunération. Il faut garantir une juste rémunération. À vous. Prendre soin de l'environnement. Il faut prendre soin de l'environnement. S'occuper des conditions de production. Il faut s'occuper des conditions de production. Mettre en place des partenariats. Il faut mettre en place des partenariats. Dénoncer le travail des enfants. Il faut dénoncer le travail des enfants. Interpeller les pays riches. Il faut interpeller les pays riches.